Ça va les amigos? Il m'est arrivé, un de ces trucs ce week-end. Une histoire d'hurluberlu. J'étais là, j'étais chill à Ibiza. sur qui je tombe? Jean-Pierre Pernaud, dans un bar à chicha. Il me fait gros, qu'est-ce que tu fais là? Je fais toi gros, qu'est-ce que tu fais là? Je vois, ça fait des coups de gueule sur le déconfinement et ça se retrouve avec un narguilé. Là, il me montre une blonde canon comme ça. Il me dit, c'est elle, hein. Je me tourne et il y a Marion Maréchal. Je fais là, non. Jean-Pierre, il fait bébé. Il lui dit, bébé, je t'avais dit, on aurait dû rester à Châteauroux et tout. Moi, je savais pas qu'il sortait avec Marion Maréchal. Ça m'a fait un peu de peine pour Tanguy Pastireau parce que je sais qu'il a un crush sur elle. Et là, Jean-Pierre, il me dit, Ernesto, t'avais pas dit à la radio que t'étais confiné à Bruxelles? Je fais quoi? T'écoutes la bande originale? Il me dit, ouais, j'ai eu 70 ans le 8 avril. En France, à partir de 70 ans, c'est illégal de pas écouter France Inter. Et je fais, bah, merci Jean-Pierre, ça me fait une blague en plus à caler dans mon anecdote. Et du coup, je rentre, et je suis chill à Bruxelles, avec mon masque léopard, là, au cas où ça part en safari. Et j'étais avec un pote, qui m'avait apporté à manger et tout. On se parlait à 4 mètres. Parce que moi, ça m'arrange à distance, en fait. Parce que non seulement je suis terrorisé par le Covid, mais en plus, en ce moment, j'ai pas une grande haleine. Honnêtement, j'ai pas une grande haleine. Vous le remarquez pas parce qu'on fait du télétravail. Mais mon haleine, t'as pas envie d'être dans une cabine d'essayage avec elle. Tu vois, franchement, je veux dire, on critique beaucoup Daniel, mais... Et vous allez me faire, oui, mais ton anecdote. Bah, c'est pas en étant impatient que vous allez obtenir quoi que ce soit de moi. Hein. Alors, donc, je papote de loin, comme ça, avec mon pote. Et là, il y a une fourgonnette de flics qui passe. Qui je vois dedans? Les cordiers, putain, et le juge, et le flic, les deux cordiers, et le flic. Derrière, il y a Navarro, une femme d'honneur, deux experts de Miami, et Rex tient un flic. Je me dis, quel week-end? D'abord, je rencontre Jean-Pierre Pernaud, maintenant tous mes agents de police préférés. Quand je vais leur raconter ça à la bande originale. Alors, sauf que là, les flics, ils descendent, et ils viennent vers nous, mais ils ont pas de masque. Je me fais, putain, t'es sérieux? Moi, ça, par exemple, c'est un truc Navarro, il aurait jamais fait. Vous savez pourquoi il aurait jamais, vous savez pourquoi il aurait eu un masque Navarro? Vous savez pourquoi? Non. Parce que Navarro, il avait 80 ans. Clairement, il était dans les groupes à risque. Je savais que cette vanne, elle avait pas passé. Putain, mais personne s'est jamais décroché à Nain, il avait 80 ans et c'était pas normal qu'il travaille encore dans la maréchaussée. Personne s'est jamais pensé. Enfin bref, soit le flic, il a pas de masque. Et là, je commence à flipper parce que j'ai parlé à personne à moins de 4 mètres, moi, depuis 50 jours. Je me suis fait livrer des courses hier pour pas croiser le livreur. J'ai demandé qu'il les dépose au Luxembourg. J'ai fait 220 km pour les récupérer. Sérieux. Mais là, le flic, il arrive de plus en plus près et il a pas de masque et il me parle. Et là, je lui sors cette phrase mythique. Je lui fais, vas-y, m'approchez pas, putain, je suis hypochondriaque. Je vous promets. Il m'a dit, bon, rentrez chez vous. Je crois que ça l'a vexé, en fait. Alors, je sais pas s'il y a des jeunes qui nous écoutent, hein. Va savoir, par les temps qui courent. Mais si les flics vous contrôlent pour rien, lâchez toujours un petit, vas-y, m'approchez pas, je suis hypochondriaque. Ça marche toujours mieux quand on est blanc, mais bon, ça se tente quand même. Allez, bonne émission, les amis. Oh yeah! Bravo! Bravo!